Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal dont voici d'abord les principaux titres. La ministre de la Justice met en garde certains directeurs des prisons qui réservaient un traitement de faveur à certains prisonniers. Laurentine Kanyana précise qu'ils se verront infliger des sanctions. Ouverture ce dimanche à Addis Abeba en Éthiopie du 30e sommet des chefs d'État de l'Union africaine. Pas mal de dossiers sont au menu de ce rendez-vous qui prend fin ce lundi. Quatre conducteurs de taxi-moto sont introuvables depuis la fin de l'année passée en province de Muyinga au nord du pays. Leurs collègues s'inquiètent. Voici pour les principaux titres. Tout de suite, les détails. Et Médecins Mitebouti assure la mise en onde et Aubin Nyunguru à la présentation. Isanganiro, la radio de l'avenir. Je vous le disais en titre, le 30e sommet de l'Union africaine s'est ouvert ce dimanche 28 janvier à Addis Abeba en Éthiopie. Le président rwandais Paul Kagame a officiellement succédé au président guinéen Alpha Condé. La poursuite des réformes en cours, la lutte contre la corruption et la politique migratoire sont quelques-uns des dossiers au menu de ce rendez-vous. Ce sommet qui est entré dans sa dernière étape a été précédé par la rencontre du comité des représentants permanents COREP, composé des ambassadeurs des 55 pays qui se sont réunis pour faire un premier tri dans les travaux en cours. Puis l'autre rencontre avait réuni le conseil exécutif composé des ministres des Affaires étrangères des pays du continent qui a pris le relais pour finaliser le dossier prioritaire dont celui des réformes institutionnelles et financières de l'Union africaine, coordonné toujours par le chef de l'État rwandais Paul Kagame. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Page justice à présent, la ministre de la Justice promet des sanctions aux directeurs des prisons qui font un traitement de faveur à certains prisonniers. Dans une rencontre du ministre de la Justice et le directeur des prisons de ce vendredi, Aimé Laurentine Kanyana les a ordonné de cesser immédiatement cette pratique, faute de quoi des sanctions seront prises. Elle a également recommandé aux services juridiques et au sein des prisons de suivre de près les dossiers des prisonniers afin de permettre le désengorgement des établissements pénitentiaires. Suivez-la. On ne peut pas le dire, il y a des prisonniers qui bénéficient souvent des sorties des grands criminels, des voleurs, des assassins, qui souvent bénéficient des sorties, alors qu'il y en a d'autres qui en ont besoin, qui ne peuvent pas accéder à cette faveur. Cela présume une sorte de corruption de la part de ceux qui accordent les sorties. La loi est claire. Et les limites pour le directeur de la prison pour accorder une sortie sont connues. Les procédures pour la demande et l'accord de sortie sont connues. Si un prisonnier sort en dehors de la procédure directement, celui qui lui a accordé la sortie, il est puni conformément à la loi. Et nous avons pris toutes les stratégies pour arrêter ce mouvement. Et nous espérons que vous n'allez plus constater de tels écarts de comportement et les coupables seront punis conformément à la loi. Nous avons recommandé aux services juridiques des prisons de s'occuper des dossiers des prisonniers, de chercher à connaître les dossiers, les problèmes qui se trouvent dans les dossiers judiciaires et pénitentiaires des prisonniers afin de trouver une solution durable aux problèmes de surpopulation carcérale. La ministre de la Justice recommande également à la commission chargée de suivre les dossiers judiciaires et pénitentiaires et de visiter les prisons pour corriger les irrégularités qui sont dans le dénouement des dossiers des prisonniers, notamment ceux qui ont été acquittés mais qui continuent à croupir en prison. Encore une fois, on écoute Aimé Laurentine Kanyana. Tous les dossiers qui présentent des irrégularités ont été recensés par cette commission. Et la dernière fois, j'ai entendu qu'il y avait au moins 83 prisonniers qui ont été relaxés. Et nous espérons que la commission va continuer à travailler dans ce sens pour demander aux services compétents de corriger toutes ces irrégularités. Il y a peut-être des prisonniers qui n'ont pas des papiers requis, mais il y a d'autres qui ont des papiers requis, notamment ceux qui ont déjà obtenu des billets d'élargissement. Quelle est la mesure ou bien une recommandation que le ministère ferait à cet égard pour que ces gens continuent à... Nous recommandons à la commission mise sur pied à cet effet de continuer à effectuer des visites régulières au niveau des prisons pour s'enquérir de la situation, écouter les prisonniers qui demandent des audiences pour savoir la situation réelle de chaque prisonnier. Nous avons également recommandé aux différents services juridiques des prisons d'essayer de connaître chaque prisonnier et son problème. Je crois que ça va permettre de corriger toutes ces irrégularités. Les prisonniers qui ont des problèmes ou toute personne intéressée peut saisir la commission chargée du suivi des dossiers judiciaires et pénitentiaires des prisonniers. Les soins du ministre de la Justice ont été recueillis par Joseph Nsabiyabandi. Le président de la République du Burundi informe qu'il a accueilli avec une profonde tristesse le décès de Thérèse Bandushubgenge, maire du feu, président Melchior Ndadaye, héros de la démocratie. Dans un communiqué sorti ce dimanche, le porte-parole du président Jean-Claude Karegwandenzako a indiqué que le président de la République a décidé que les dépenses funéraires sont à la charge de l'État. On l'écoute. C'est avec consternation et profonde tristesse que le chef de l'État et père de la nation a appris le décès de la mère du héros de la démocratie au Burundi, survenu le 27e jour du mois de janvier 2018. Cette illustre maman a toute sa vie été caractérisée par la compassion, l'indulgence ainsi qu'un esprit d'encouragement et d'abandon de soi envers les autres. La retenue et le message de paix suite à l'assassinat de son fils et héros de la démocratie au Burundi, son Excellence Melchior Ndadaye, illustre parfaitement le charisme et la grandeur de cette brave mère. Le président de la République du Burundi, au nom du gouvernement et du peuple burundais, présente ses condoléances à la famille, aux amis et connaissances de l'illustre défunte, sans oublier aux amis de la démocratie pour lesquels l'illustre disparu était devenu une véritable source d'inspiration. Le chef de l'État demande au gouvernement de prendre entièrement en charge tous les détails funéraires en rapport avec la mère du héros de la démocratie au Burundi et de s'assurer qu'elle soit accompagnée en toute dignité jusqu'à sa dernière demeure. Comme il en avait fait une tradition depuis l'an 2005, le chef de l'État saisit cette occasion pour réitérer son engagement personnel à assister incessamment et en sa parfaite discrétion, dans la mesure du possible, les proches de son Excellence Melchior Ndadaye. Le père de la nation implore enfin le Dieu Tout-Puissant de daigner accueillir dans son royaume l'âme de Madame Thérèse Bandushubgenge qui vient de nous faire ses adieux et de réconforter ceux qu'elle laisse derrière pour qu'ils trouvent la patience, le courage et la force pour surmonter cette période de deuil. Jean-Claude Karegwandenzako est porte-parole du président de la République. Page politique à présent, des mobiles politiques auraient motivé le limogeage des chefs de colline Mumbya et Muhungu de la commune Mabayi en province de Chibitoke. C'est ce que du moins déclare l'honorable Simon Bizimungu, élu dans la circonscription de Chibitoke. Selon Bizimungu, si réellement ces deux chefs collinaires s'étaient rendus coupables de fautes quelconques et de travail, des mesures administratives devraient être appliquées avant le limogeage, suivait honorable Simon Bizimungu. Ce limogeage, en tout cas, c'est frustrant. Pourquoi? Parce que ces chefs de colline étaient des chefs de colline qui travaillaient bien. Et même si on entend ce qu'a dit l'administrateur, qui disait qu'il travaillait en commun accord avec ces chefs de colline. Si aujourd'hui, alors, il limoge ces chefs de colline, moi je me demande, c'est une raison politique. C'est pas une raison de travail comme il a dit, c'est purement et simplement une raison politique. Ce sont des accusations que je le qualifie des accusations non fondées. Parce que si ces chefs de secteur avaient mal travaillé, il y avait des mesures administratives qui devaient d'abord commencer avant de les limoger. Ces mesures n'ont pas été suivies. Cela pour dire que, comme je l'ai dit, ces chefs de colline ont été limogés parce que ils n'ont pas voulu accepter de marcher dans la ligne droite du CNDD-FDD. Je demanderai à ces administrateurs ou ces administratifs de bien canaliser leurs activités. Si un chef de colline ou quelqu'un d'autre a été élu par la population, Il faut d'abord, avant de faire toute autre chose, de savoir analyser si ce chef de colline est en train de travailler d'une façon qui ne satisfait pas cette population. Et à ce cas-là, il peut prendre des mesures. Mais non pas prendre des mesures parce que le chef de colline n'a pas voulu accepter de marcher dans les mêmes idéaux, dans les mêmes idées politiques que l'administrateur. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Page sécurité à présent, certains conducteurs de taxi-moto à Muyinga sont inquiets du vol de 4 motos dont les conducteurs restent introuvables depuis la fin de l'année, de l'année dernière. La police invite les administrés à apporter leur appui dans la lutte contre la criminalité en dénonçant les présumés malfaiteurs. Dieudonné Nzeyman. La criminalité inquiétant les conducteurs de taxi-moto est signalée au chef-lieu de la province Muyinga depuis la fin de l'année dernière. Au total, 4 motos ont été volées, rapportent les motards. Les conducteurs sont également sans trace. Certains motards affirment que les motards introuvables jusqu'aujourd'hui ont été tués par les criminels. Quelques conducteurs de motos gardent tout de même espoir de les retrouver un jour avec l'implication des services de sécurité qui sont à l'œuvre pour débusquer l'horizon des criminels. Les bandits déguisés en clients promettent beaucoup d'argent aux motards invités à les déplacer vers les contrées éloignées du centre urbain. C'est en cours de route que les motards sont pris sans piège. Côté police, la population doit davantage s'impliquer dans la lutte contre toutes formes de criminalité. Lors de la récente réunion entre administratifs, population et les codes de sécurité en ville de Muyinga, le commissaire de la police à Muyinga en a appelé au renforcement des dispositifs des comités mixtes de sécurité et si besoin il y a, remplacé les comités défaillants. De Muyinga, Dieudonné Nzeyimana pour la radio Isanganiro. 5 millions de francs burundais, la somme nécessaire pour sauver la vie de Edgar Bikolimana, un enfant de 6 ans atteint d'une maladie de trouble de rein. Il a été transféré à l'étranger, mais sa famille manque de moyens et demande l'aide de toute âme charitable. Thierry Mfayokorera. Bikolimana Edgar est un enfant de 6 ans. Allons voir là où il est alité. On dirait une femme prête à l'accouchement à voir le niveau de gonflement de son ventre. Edgar arrive à parler difficilement. Son père Ferdinand Zeimana, originaire de la commune Yamurenza en province de Ngozi, résident actuellement dans le quartier Kadjij de la zone Kanyosha en mairie de Bujumbura, dit que son enfant a commencé à maigrir petit à petit. Il indique que tous les médecins qui ont consulté son fils lui ont dit qu'ils ne sont pas en mesure de soigner son enfant, mais qu'il a besoin d'être transféré au Rwanda pour une opération. C'est l'année passée au mois de juin que nous avons commencé à remarquer cette maladie. Auparavant, c'était un enfant aux allures aisées. Mais au mois de septembre, nous avons vu une tumeur sur le côté droit du ventre. On croyait qu'il a été bâti par d'autres enfants. Nous avons fait des examens médicaux. Le médecin nous a dit que cette maladie devrait être traitée à l'étranger. Ferdinand Zeimana se dit incapable de transférer son enfant à l'étranger parce qu'il est pensionné et sans emploi. Il demande à tout homme charitable de lui venir en aide pour sauver la vie de son fils. Je demande aux bienfaiteurs, que ce soit les organisations ou le président de la République, de me venir en aide. Je suis joignable sur les contacts suivants. 79-430-241. Docteur Terence Naurishira, un pédiatre de l'hôpital Prince Régent Charles, qui a consulté Edgar, précise que s'il ne serait pas soigné d'urgence, l'enfant peut succomber à sa maladie. Le docteur précise qu'une somme de 5 millions de francs burundais est la somme nécessaire pour sauver la vie de cet enfant. Merci à Thierry et c'est par cet élément que nous bouclons cette édition. Bonne soirée à tous.